téléchargez l'application Radio France pour découvrir, écouter des milliers de podcasts et toutes vos radios en direct. On a-t-on fait trop avec les traces de vie sur Vénus? Sûrement. Et ben on va quand même en remettre une couche. Que disent les études? Que faut-il croire? Que peut-on ou non extrapoler? Vous saurez absolument tout ce qu'il faut savoir sur la phosphine. Mais parce qu'il n'y a pas que notre système solaire dans la vie, aurait-on assisté sans le savoir à la naissance d'un magnétar? Ces objets hyper denses avec des champs magnétiques extrêmement puissants dont on croyait qu'ils se formaient uniquement par l'effondrement d'une étoile supermassive pourraient bien naître d'une autre façon. Et enfin, confinement oblige, c'est la frénésie des livraisons. Plutôt pour ou plutôt contre vous faire déposer votre colis par un robot ou par un drone? Sur Vénus, magnétar et livraison robotisée, c'est le programme cosmotechnologique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour dérouler ce riche et beau programme, comme tous les vendredis, un vendredi sur deux, en tout cas la fine fleur de la vulgarisation scientifique qui est bien au chaud chez elle, bien à distance, je crois qu'on commence par Olivier Lascar qui n'est pas là. Et bien voilà, Olivier Lascar qui va nous rejoindre, on l'espère, dans les quelques minutes qui viennent. Mais en tout cas, Mathilde Fontaise, elle, est bien là. Bonjour Mathilde. Bonjour. Et vous êtes journaliste au magazine Science et Vie. Sébastien Carassou, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Créateur de la chaîne YouTube de Sense of Wonder, mais on commence par celle qui vous livre, non pas par drone, mais par le seul messager de sa chaleureuse voix, votre actualité scientifique quotidienne directement chez vous sans passer par la poste. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec un nouveau rebondissement sur le fémur de Toumaï. Selon une étude parue dans le Journal of Human Evolution, Toumaï n'était pas bipède, mais quadrupède. Toumaï, c'est le surnom de ce fossile découvert en 2001 au Tchad, qui a permis d'identifier une espèce, le Sahelanthropus tchadensis. Ce spécimen de crâne, vieux de 7 millions d'années, est considéré pour beaucoup comme l'origine de la lignée humaine. Alors s'agit-il de notre ancêtre le plus ancien, ou s'agit-il d'un paléogorille? La question déchire les paléanthropologues depuis bientôt 20 ans. Pour certains, Toumaï devait marcher et grimper aux arbres comme l'ont fait les australopithèques quelques millions d'années plus tard. Car le crâne laisse à penser que l'attache et l'orientation de la colonne vertébrale sont celles d'un bipède. Et la bipédie, c'est l'un des critères essentiels pour appartenir à la famille préhumaine. En 2004, un fémur a été découvert sur le site. Longtemps resté dans un tiroir, il vient enfin d'être étudié. Selon cette analyse fonctionnelle de l'os, Toumaï se déplaçait à quatre pattes comme un chimpanzé. Mais la controverse n'est peut-être pas finie puisqu'une équipe concurrente affirme l'inverse dans une prépublication qui est toujours en cours d'examen. Et une nouvelle qui a bouleversé la communauté des astronomes, l'Arecibo, qui est ce télescope iconique géant à Porto Rico, l'Arecibo va être détruit, Natacha. D'où l'importance de la maintenance. L'un des télescopes les plus grands, les plus puissants du monde, en fonction depuis 57 ans, menace de s'effondrer à tout instant. Le 10 août, puis le 6 novembre dernier, deux câbles de soutien se sont rompus et se sont effondrés sur la gigantesque parabole. La structure est désormais trop instable et trop dangereuse pour y mener des travaux de rénovation. La Fondation nationale des sciences américaines a donc annoncé hier son démantèlement. C'est une grande perte pour l'astronomie mondiale. Une étude parue dans le Journal of Alzheimer's Disease confirme le lien entre le microbiote et la maladie d'Alzheimer. Une équipe italo-suisse a examiné 89 personnes âgées de 65 à 85 ans avec ou sans pathologie, avec des prélèvements sanguins et de l'imagerie TEP, la tomographie par émission de positons. Il s'avère que les taux élevés de bactéries inflammatoires intestinales sont liés au nombre de plaques amyloïdes dans le cerveau. Ces plaques qui sont responsables de l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Selon les auteurs, le système sanguin transporterait certaines protéines de ces bactéries jusqu'au cerveau. Alors par la suite, ils souhaitent identifier les bactéries impliquées dans ce phénomène afin de pouvoir cibler et imaginer de nouvelles thérapies préventives. Et on poursuit ce journal avec l'échec cette semaine du lancement de la fusée Vega et du coup la destruction du satellite Taranis. C'est rare de rater une mise en orbite. Dans la nuit de lundi à mardi, 8 minutes après son décollage, la fusée européenne a dévié de sa trajectoire pour ensuite tomber dans la mer sans avoir mis sur orbite ses précieux satellites. Alors, les deux engins perdus, ce sont CEOSAT Ingenio, le premier satellite d'observation espagnol, et le satellite français Taranis, conçu par le CNRS, le CEA et le CNES. Il devait explorer la physique des orages et a représenté 15 années de travail. Le CNES, par ailleurs, a étudié déjà la possibilité de faire un Taranis 2. Depuis le début de l'exploitation de la fusée Vega, en 2012, c'est le deuxième échec de son histoire, avec une défaillance durant l'été 2019, due à un défaut de conception. Alors que s'est-il passé lundi dernier? Le PDG d'ArianeSpace a évoqué une série d'erreurs humaines et un défaut lors de la fabrication. Pendant l'assemblage du lanceur en Italie, des câbles auraient été inversés. Une commission d'enquête indépendante a été lancée cette semaine. Selon une étude parue dans Nature Astronomy, les brutes du vivant peuvent se former dans les nuages interstellaires grâce à ce qu'on appelle la chimie sombre. Une équipe britannique a reproduit en laboratoire les conditions des nuages interstellaires. Le système a été refroidi à une température de moins 260 degrés Celsius dans un système à ultra-vide. Les astrochimistes ont découvert qu'une molécule prébiotique peut se former dans cet environnement extrême, la glycine, l'acide aminé le plus simple, sans lequel la vie ne pourrait exister. On pensait que la glycine avait besoin d'irradiation des étoiles pour se former. Cette expérience prouve l'inverse. Cette molécule, on l'a déjà détectée dans l'atmosphère de la comète Chury. Donc ces résultats confortent une hypothèse, celle de la panspermie, selon laquelle les comètes transporteraient les éléments clés du vivant. Et qui donnera lieu dans peu de temps à une émission complète de la méthode scientifique mardi prochain. Cette semaine, dans le journal des sciences, il a été question d'un projet de télescope à miroir liquide basé sur la Lune. Il a été question du système immunitaire des enfants face au coronavirus, des sursauts radio rapides répétitifs dans notre galaxie et de la mutation du nouveau SARS-CoV-2 et de ses effets. Mais également, cette semaine, dans l'actualité des sciences, Natacha, et en ultra bref. Des chercheurs ont inventé le M-spray, un spray magnétique qui transforme de minuscules objets en minuscules robots. Ils peuvent être contrôlés par des aimants et naviguer dans le corps pour délivrer des médicaments. Un médicament a été induit de M-spray et il a été conduit avec succès dans l'estomac d'un lapin. Une immense rivière coule peut-être sous le Groenland, une rivière souterraine longue de plus de 1000 km qui traverserait le centre de l'île avant de déboucher au nord. C'est ce que laissent à penser les dernières données radar et modélisation de calottes glaciaires. Mais pour prouver son existence, il nous manque encore des données. Et enfin, un groupe de chercheurs européens va créer une encyclopédie des odeurs. Des historiens, des experts en intelligence artificielle, des chimistes et des parfumeurs travaillent à reconstituer les émanations que l'on pouvait humer en Europe du 16e jusqu'au 20e siècle. Le projet s'appelle Eudoropa. Il vise à reconstituer cet héritage olfactif de la puanteur des villes à celle des champs de bataille jusqu'aux grands parfums historiques. Et puisqu'on parle d'odeur, c'est l'heure de retrouver notre rubrique hebdomadaire de sciences improbables qui fait la part belle aux odeurs, Natacha, puisque selon une étude parue dans ACS Applied Materials and Interfaces, la transpiration est peut-être le meilleur antitranspirant. Ouais, c'est digne des Shadow. Oui, votre sueur pourrait vous empêcher de transpirer. L'idée est venue à des chercheurs américains après une intense partie de squash, quand l'un d'eux a remarqué que des cristaux de sel se formaient sur la peau. Les chercheurs ont alors fabriqué de la sueur de synthèse, qui contient les minéraux de la transpiration humaine, tels que le sel et le calcium. Et ils ont ainsi découvert les propriétés antitranspirantes de la transpiration. Ces minéraux peuvent boucher les pores des glandes sudoripares, bloquer la sueur qui se déshydrate à l'intérieur du conduit sans jamais s'écouler. Les scientifiques veulent à présent tester cette lotion sous de vraies aisselles. Oui, comme quoi on peut trouver des idées en faisant du squash, ce qui est une bonne petite suée, et hop, une bonne idée. Merci beaucoup, Natacha. On vous retrouve lundi pour le Journal des Sciences. Nous avons récupéré en cours de route le camarade Olivier Lascar. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Nicolas, bonjour à tous et à toutes. Chef du pôle numérique de notre partenaire chéri Sciences et Avenir, arrivé le dernier, c'est vous qui allez commencer, dites-moi. Alors, sur ce Journal des Sciences ou sur l'actualité de la semaine, peut-être qu'on peut dire un mot quand même, effectivement, de la perte de Taranis, qui c'est non seulement une ratée de mise en orbite, c'est vrai que c'est plus trop courant aujourd'hui, et puis c'est quand même une vraie perte parce qu'on attendait beaucoup de ce satellite français. Oui, un sale coup pour l'Europe spatiale. On peut voir le verre à demi plein puisque dès l'annonce de la catastrophe, notre journaliste spécialisé de l'astrophysique à Sciences et Avenir, Fabrice Nicot, a interrogé le responsable de la mission qui avait un discours assez positif en disant « Ok, c'est arrivé, Taranis est mort, mais vive Taranis ». Et on pourrait voir l'avènement d'un Taranis numéro 2 si les institutions de tutelle se mettent d'accord. Évidemment, ça va coûter des sous en plus, mais il y a un savoir-faire qui est frais, qui est là et qui pourrait permettre une remise en route assez rapide de ce satellite. Mathilde Fontaise, là-dessus ? Oui, ça nous rappelle à quel point les missions spatiales, vous avez donné le délai, c'est 15 ans de travail sur un satellite, donc en fait c'est des carrières entières de chercheurs qui se concentrent comme ça sur des missions et après tout se joue au moment du lancement et j'imagine que pour ces chercheurs ça a dû être l'horreur, l'horreur absolue de voir leur petit bébé. Mais bon, on sait aussi que l'enjeu de l'étude des orages. Le mystère du coup de foudre, ça reste un enjeu majeur dans la science de l'atmosphère. On comprend rien à ce phénomène, on ne sait pas d'où vient l'énergie, on ne comprend pas pourquoi elle se propage si vite, comment est déclenché le phénomène, et ça a un impact important, ne serait-ce que pour la prévision, la modélisation, etc. Donc, on imagine qu'il pourra y avoir des financements pour faire avancer la recherche de toute façon sur cette thématique et favoriser un Taranis 2. Ouais. Il y a des têtes qui vont tomber, vous dites, Olivier Lascar, ça sonne comme une menace. Qu'est-ce que c'est que ce ton? On n'a pas l'habitude d'avoir ce ton-là. Oui, dites donc. Moi qui suis doux comme un agneau. Disons que comme tous les regards convergent vers l'Italie, vers le site d'assemblage du lanceur, puisqu'il semble que l'erreur a été clairement identifiée, une inversion de tuyaux dans les tuyères, ça paraît très gaguesque s'il n'y avait pas l'aspect éminemment dramatique que vient de souligner Mathilde, cette décennie de travail qui est annihilée en un instant. Mais il y a clairement un problème de montage, quoi. C'est de l'ingénierie. C'est ça. Et c'est d'autant que c'est vrai qu'on attendait beaucoup, comme le disait Mathilde, sur ces phénomènes qui se passent pendant les orages, ces phénomènes électromagnétiques qui se passent au-dessus des nuages, ce qu'on appelle les sprites, les elfes, etc. On avait consacré une émission entière. On va vous retrouver le lien. On va vous le poster sur le fil Twitter. Peut-être un mot, Sébastien, aussi sur cette plantade spatiale ou éventuellement, je pensais vous entendre aussi sur la destruction d'Arecibo, qui est là aussi un coup assez dur pour la communauté de l'astronomie mondiale. Oui, c'est une semaine plutôt triste au final pour la communauté de l'aérospatiale. Arecibo, qui était quand même un symbole de l'astronomie, de la radioastronomie. Pendant ses 57 ans de service, elle a fait pas mal de découvertes assez fantastiques. Notamment, on lui doit la première mesure du taux de rotation de Mercure, qui était de 59 jours. On lui doit aussi les premiers messages envoyés à destination de potentiels extraterrestres en 1974, qu'on avait envoyé dans l'amas globulaire M13. On lui doit aussi la découverte des premiers couples d'étoiles à neutrons en rotation les uns autour des autres, qui a valu un prix Nobel de physique aux deux découvreurs qui l'ont découvert via ce télescope Arecibo, et la découverte de la première exoplanète autour d'une étoile à neutrons en 1990. Donc c'est quelque chose qui est quand même très très bien sûr, pour toute la communauté astronomique, mais aussi pour la culture populaire, parce qu'on avait beaucoup associé Arecibo à des lieux de tournage de films comme Contact, X-Files ou encore GoldenEye, James Bond. Il y a eu un hashtag qui a été lancé récemment sur Twitter, le hashtag What Arecibo Means to Me, pour partager les moments culturels importants qui ont été associés à cette antenne, qui était la plus grande du monde jusqu'en 2016, c'est ça. Après qu'il soit supplanté par un télescope en Chine. What Arecibo means to me, ce que Arecibo représente pour moi, hein, le hashtag en français. Peut-être un mot aussi, Sébastien. C'est des choses qui personnellement me fascinent toujours, cette chimie sombre et le fait avec en bout de course la question évidemment qu'on posera, hein, comme je l'ai dit, de la panspermie. C'est assez intéressant de voir qu'on commence à se rendre compte qu'on peut tout à fait monter des acides aminés dans des conditions qui sont a priori des conditions qui sont pas favorables à l'assemblage de chaînes carbonées ou de chaînes organiques. Alors en fait, on se doutait que de la chimie relativement complexe peut se former sur des grains de poussière interstellaire, notamment sur la surface de la glace d'eau contenue sur ces grains de poussière. Mais ce qu'on pensait au départ, c'est qu'il fallait essentiellement des rayons ultraviolets en provenance d'une étoile ou bien des rayons cosmiques, donc des événements assez énergétiques pour briser des molécules à la surface et les recombiner pour en faire des molécules un peu plus complexes, comme de la glycine. Et ben là, c'est la nouveauté de ce papier, c'est de montrer qu'on a même pas besoin de l'énergie extérieure d'une étoile pour former de la chimie relativement complexe. Alors après, ça va pas jusqu'à de la panspermie. La panspermie, si on revient à l'étymologie du truc, c'est de dire que la vie est apparue sur Terre depuis un monde extraterrestre, depuis Mars ou depuis ailleurs. Mais là, on parle plutôt d'intégration de molécules complexes du vivant qui ont essaimé la surface de la Terre et qui ont permis à une chimie encore plus complexe d'évoluer sur Terre directement. Donc aujourd'hui, la panspermie, elle est très très peu considérée par les exobiologistes et les gens qui s'intéressent à l'origine de la vie sur Terre. Mais en tout cas, ça augmente nos chances d'être optimistes sur les origines de la vie ailleurs dans l'univers. Mathilde Fontaise, un mot là-dessus aussi sur ces découvertes et cette chimie sombre? Oui, moi je trouve ça aussi fascinant de s'apercevoir à quel point en fait cet assemblage de petits atomes les uns après les autres jusqu'à former des molécules complexes se passe si facilement dans les conditions spatiales, et c'est des découvertes c'est une prise de conscience en fait qui s'égrène sur ces 20 dernières années, quoi, de s'être aperçu de plus en plus que des molécules complexes pouvaient se former dans l'espace et donc même pas sur des surfaces, hein, du coup, mais dans des nuages, etc. Et après, ça nous amène à repousser finalement, je trouve, moi, le problème de l'origine de la vie, quoi, quelque part. C'est qu'en fait, on a finalement une essence d'une chimie carbonée, d'une chimie organique complexe assez facile à enclencher. Et après, où est-ce que ça coince? Où est-ce qu'on n'arrive plus à raconter l'histoire? Et ça repousse au moment où, voilà, comment est-ce qu'on fabrique ces enveloppes? Comment est-ce qu'on concentre les réactifs pour arriver à vraiment de la biologie? La grande question qui se pose, de ces enveloppes un peu qui formeraient la première membrane cellulaire, en fait, quelque part, d'une chimie prébiotique, mais vraiment plus avancée que cette glycine dont on a dévoilé la genèse en laboratoire. Et donc, du coup, on a vraiment l'impression que, voilà, la question de l'origine de la vie, au fil de ces découvertes-là, se déplace quelque part et devient presque une histoire de biologie, quoi. Ouais. Olivier, peut-être un mot là-dessus. Et puis il y a beaucoup de choses à commenter dans l'actualité de la semaine, mais tant mieux. Peut-être il faut évidemment reparler aussi de Toumaï, Olivier, parce que c'est une sorte là aussi de feuilleton paléo-anthropologique à rebondissements successifs, puisqu'on se souvient de Michel Brunet qui était venu et qui avait brandi ce fémur qu'il avait sorti de sa veste un peu à la stupéfaction générale et collective. Un mot sur ce nouveau rebondissement? Oui, c'est un épisode, hein, comme vous dites, Nicolas, un nouvel épisode. Bon, c'est quand même un épisode important, puisque c'est cette publication qui dit que Toumaï, étant quadrupède, ne pourrait pas être le plus vieil ancêtre de l'homme. C'est une publication qui sort dans une revue, dans une bonne revue de paléoanthropologie, qui bénéficie de la présence en co-signataire de Bernard Wood, qui est une autorité en la matière. Donc il faut la regarder avec intérêt. Il y a des limites aussi, puisqu'on sait que l'équipe n'a pas pu travailler sur le fémur lui-même. Elle a travaillé à partir de clichés, de photos. Ça pose la question de la disponibilité des fossiles. Bien sûr. C'est une étape importante qui remet en cause encore une fois la généalogie de Toumaï, mais enfin c'est un milieu très dur et le paléoanthropologue est un loup pour le paléoanthropologue. Donc on va voir ce que ça va donner. Peut-être un tout dernier mot sur Arecibo, parce Bien que sûr. C'est vrai que c'est très triste, mais ça marque peut-être le basculement d'une époque à une autre, parce que ce radiotélescope qui marque tellement les esprits, c'est vrai que sur Twitter, on a vu plein de gens qui réagissent, des astrophysiciens qui montrent des photos de leur mariage qui a eu lieu à Arecibo, c'est émouvant, c'est amusant. Mais peut-être que le temps de la radioastronomie à ces fréquences-là n'est plus aux grandes antennes, à ces disques monstrueux, mais plutôt au réseau étendu plus petit, d'antennes plus petites, un petit peu comme le projet SKA en Afrique du Sud. Donc peut-être qu'on voit le basculement d'une époque de l'astrophysique à une autre avec ce marqueur important qui est la disparition d'Arecibo. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Allez, on passe au premier dossier de cette table ronde. On va rester beaucoup dans l'espace aujourd'hui on va revenir sur Vénus, phosphine ou pas phosphine, trace de vie ou pas trace de vie. C'est un autre feuilleton qui a commencé le 14 septembre avec la découverte de raies d'absorption correspondant à de la phosphine dans l'atmosphère de Vénus. C'est un feuilleton tellement intense auquel nous assistons les débats, les démentis, les démentis de démentis qu'on croirait presque voir une telenovela sud-américaine, mais Mathilde Fontaise, avec un peu de recul et un peu de sérieux, maintenant on peut commencer à avoir des éléments d'appréciation solides. Alors la phosphine, est-ce que il y en a, est-ce qu'il y a des indices solides, ou est-ce qu'il faut se méfier de cette fameuse publication du 14 septembre ? Oui, c'est exactement ce qu'on a voulu faire. On a voulu revenir à froid sur la controverse, qui est d'une ampleur inédite, presque en astronomie. Autant en paléontologie, on est habitué à des débats peut-être assez violents, mais en astronomie, généralement, les choses se passent de manière beaucoup plus douce. Et là, on a vu des échanges de chercheurs, vraiment un niveau de tension inédit. Et donc, on a repris ça posément et on a repris un peu tout. Et donc, effectivement, la première question qu'on s'est posée, et qui est évidemment la première question qui se pose, c'est de savoir est-ce que ce signal est bien réel ou non. Question que se sont posées tout de suite beaucoup de spécialistes quand ils ont vu les spectres qui avaient été pris par Jane Grieve de l'Université de Cambridge. Je rappelle un tout petit peu l'histoire. C'est ça, c'est important de rappeler l'histoire, parce qu'en fait maintenant on a entendu des choses parfois de manière un peu bref. C'est vraiment intéressant de voir comment on en est arrivé à la phosphine, parce que ça raconte quand même la démarche qui a été celle de Jane Grieve pour finir par aboutir à cette publication. Voilà, et elle a été accusée, sans doute à tort, d'avoir élaboré quand même un plan com bien rodé pour justifier éventuellement, peut-être, on ne sait pas, des lancements de missions vers Vénus derrière. Et donc, il faut reprendre un peu ça. Et c'est vrai qu'on l'a interrogée et elle est dans une démarche vraiment honnête. C'est quelqu'un qui s'intéresse aux biomarqueurs d'une manière générale. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un biomarqueur ? C'est une substance dont on pense qu'elle serait forcément, dans un certain contexte géochimique, due à la vie. Donc, on étudie ces biomarqueurs pour pouvoir essayer de détecter à distance une activité biologique sur une autre planète. Donc, c'est des travaux très théoriques, et cette chercheuse donc est tombée sur la phosphine en se disant que dans l'atmosphère précise de Vénus, puisque cette atmosphère est très oxydante, si la présence de phosphine était détectée, elle pouvait éventuellement être un biomarqueur, puisqu'elle ne pourrait pas être expliquée par aucun phénomène géophysique connu en dehors d'une biologie, puisqu'en fait sur Terre cette phosphine est émise effectivement par des procédés biologiques par des bactéries en l'occurrence, ou des intestins animaux, en particulier des pingouins. Voilà. Et dans des environnements anaérobies, sans oxygène, parce que l'oxygène dégrade la phosphine très rapidement et ça va être important pour la suite. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, elle peut se concentrer un petit peu, mais que rapidement, si elle demeure dans l'atmosphère de la planète, il faut expliquer sa présence par un renouvellement permanent. Et donc, Jane Grieve, du coup, s'est intéressée à cette molécule et s'est dit qu'il serait intéressant de voir si dans l'atmosphère de Vénus, elle pouvait éventuellement ou pas être présente. Et en fait, elle n'y croyait pas vraiment au départ. Elle a pointé un télescope qui est somme toute assez modeste, qui est le James Clerk Maxwell en 2017, et elle a obtenu ce signal très étrange qu'elle a choisi en 2017 de ne pas dévoiler. Elle a juste simplement contacté au MIT Sarah Sager, qui est une chercheuse avec une grande réputation et notamment qui pouvait avoir accès à un télescope beaucoup plus grand qui pouvait permettre ou pas de confirmer cette détection. Donc ils ont obtenu effectivement l'accès au télescope ALMA au Chili, qui est le meilleur télescope du monde pour faire ce genre de mesures, et elles ont été toutes les deux très surprises de découvrir qu'en fait ce signal était maintenu. Donc c'est un signal très faible et qui a été jugé par la plupart des chercheurs qu'on a interrogés, comme pas suffisamment fort pour conclure. Et donc tout de suite qui a été épluché par des dizaines d'équipes hein, pour qui du fait de la violence de l'annonce hein, qui est sans doute aussi due au départ à une communication peut-être un peu trop excessive de certaines des universités qui ont participé à la détection. Enfin, mais en tout cas. L'annonce excessive a déclenché aussi beaucoup de recherches derrière pour analyser ce signal et vérifier qu'il était là ou pas, enfin en tout cas savoir s'il l'était. Alors il y a eu plusieurs études hein, qui sont parues, dont une en particulier, une étude néerlandaise, qui a carrément conclu que cette raie était un artefact. Oui, c'est ça. Voilà. Donc ce à quoi, en fait, les deux chercheuses ont répondu en montrant que les données des Néerlandais étaient erronées. Donc en fait, on en revient au point de départ avec ni invalidation ni validation de cette raie. Et le principal espoir est venu d'une Française, hein, de Thérèse Encrenas, qui est spécialiste de l'observation de Vénus dans les infrarouges. Et en fait, pourquoi Jen Grieve s'est adressée à elle? C'est parce qu'en fait, normalement, c'est vrai que quand on publie une détection d'une molécule comme ça, il faut avoir non pas seulement une raie, mais deux, en fait. On parle de raie d'absorption, hein. C'est-à-dire quand, on peut redire en un mot ce que c'est qu'une raie d'absorption pour qu'on comprenne bien ce qu'on a détecté également. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu la molécule, on a trouvé, en fait, par spectroscopie, je vais vous laisser le dire, Mathilde. Oui, voilà, on a trouvé en fait le signal de la molécule. Hein, c'est en gros le signal lumineux. Chaque molécule a en quelque sorte une empreinte lumineuse, et donc on cherche ces raies d'absorption pour détecter des molécules, et elles se situent à différentes longueurs d'onde. Et en général, pour pouvoir annoncer la détection d'une molécule, on a besoin de plusieurs raies. Pour être sûr. Et en l'occurrence, on avait interrogé tout au départ, au début de cette controverse, différents spécialistes qui nous disaient que dans cette publication, on devait parler de candidats de détection et non pas de détection, puisqu'il n'y avait qu'une seule raie qui avait été observée. Donc du coup, James Grieve s'est adressé notamment donc à Thérèse Encrenas pour aller chercher dans l'infrarouge des traces d'une autre raie. Le problème, c'est que le signal étant déjà très faible, il est possible aussi qu'on ne voit pas cette deuxième raie, tout simplement parce qu'on manque de capacité d'observation à cette distance. Thérèse Encrenas n'a pas... En fait, ils avaient obtenu du temps de télescope pour pouvoir faire cette observation. Ils n'ont pas pu le faire à cause du coronavirus, mais Thérèse Encrenas a eu l'idée de chercher dans ses archives, en fait, tout simplement, dans les données qu'elle avait collectées, puisqu'elle a beaucoup observé Vénus dans l'infrarouge, et elle n'a pas trouvé l'arrêt. Donc, à ce moment-là, beaucoup ont dit que ça y est, finalement, la controverse était résolue, et que cette phosphine n'existait pas, et qu'on avait eu bien tort de s'enflammer à ce point, etc. Sauf qu'en fait, ça n'invalide pas totalement la présence du signal. Disons que ça l'a réduit. Alors, Jen Grieve avait quantifié en fait la possibilité, la quantité quelque part de phosphine dans l'atmosphère de Vénus à 0,02 parties par million. Donc c'est minuscule, hein, c'est du coup 20 molécules sur un milliard, quoi, à peu près, exactement. Et donc avec le travail de Thérèse Encrenas, on descend à 0,005 particules par million, donc ce qui est tout petit, mais ce qui n'exclut pas la présence de phosphine. Et par ailleurs, d'autres équipes, en fouillant dans leurs analyses, ont elles aussi trouvé notamment une analyse qui a été faite par Pioneer Venus Probe et qui a été en 78. En 78. On en avait parlé dans le journal des sciences. On est allé vraiment chercher les anciens relevés et là pour le coup on a trouvé quelque chose qui pourrait ressembler à ça, ressembler de la phosphine. Voilà, qui pose des problèmes d'analyse aussi, hein, puisqu'on ne sait pas trop si c'est exactement de la phosphine ou d'autres molécules apparentées avec du phosphore dedans. Mais en tout cas, il y a une molécule proche qui a été détectée par cette sonde et qui a été donc exhumée par une équipe de l'Université d'État Polytechnique de Californie. Donc en fait, on a toujours cette incertitude qui existe et qui pose la question de la présence de cette phosphine. Donc on ne peut pas conclure pour l'instant et on imagine bien que les équipes vont continuer d'essayer d'invalider cette étude, puisque là, on est vraiment dans une dynamique de se dire... c'est une découverte tellement importante que du coup, on va chercher le plus possible à l'invalider pour considérer si on n'y est pas parvenu dans plusieurs mois et années que cette phosphine existe, voire même attendre une confirmation d'une sonde spatiale. Parce que l'autre problème qui se pose, c'est qu'en fait, vu que c'est ALMA qui a découvert cette molécule, il est difficile d'imaginer qu'on puisse avoir finalement une plus grande précision avec une observation depuis la Terre. Donc pour ça, pour aller plus loin... il faudra attendre que des sondes aillent voir Vénus. Et puis ALMA, on a beaucoup entendu aussi que ALMA était vraiment à la limite de ses capacités. C'est-à-dire qu'on avait vraiment poussé le télescope au maximum pour réussir à avoir la confirmation de cette raie d'absorption de la phosphine. Oui, c'est exactement ça. Mais après, ça n'empêche pas de considérer ça comme une découverte intéressante. On en discutait avec les spécialistes des exoplanètes notamment, qui disent que eux-mêmes, du fait de la, du coup, de la distance qu'il y a entre la Terre et les exoplanètes, donc ces planètes qui tournent autour d'autres soleils, il y a des molécules qui sont détectées dans les atmosphères avec des signaux bien, bien plus dégradés que celui qu'ALMA a recueilli pour la phosphine. Et ce qui est important, selon ces chercheurs, c'est effectivement de prendre toutes les précautions nécessaires, mais tout en quand même poursuivant la recherche à ce sujet. Et après, il y a l'autre question, évidemment, qui se pose, c'est d'accord, alors imaginons que cette phosphine soit présente, est-ce que du coup on peut en déduire que c'est un biomarqueur? Et là, ça a été évidemment dit beaucoup, non, on ne peut pas en déduire que c'est un biomarqueur. Un biomarqueur, ce serait, disons, une preuve de vie, en tout cas une substance dont on ne peut pas imaginer la présence sans vie. Et là, il y a tout un travail à faire sur la géophysique de la planète qui a été déjà commencé par James Grieve et Sarah Seger. Elles ont exclu certaines des possibilités de formation de cette phosphine. Donc, il faudrait effectivement expliquer un renouvellement permanent. Donc, ça pourrait être la foudre, par exemple. Ça pourrait être les volcans. Dans certaines conditions, les chercheuses ont exclu la possibilité que la phosphine vienne de là. Et reste à le faire de manière, on va dire, plus complète. Mm-hmm. Ce qui pose la question, et c'est là que ça devient intéressant, quelque part, ce qui met en valeur la méconnaissance que nous, terriens, nous avons de notre plus proche voisine. Mmh. C'est ça qui est quand même assez fascinant, c'est qu'on a une méconnaissance gigantesque de cette planète qu'est Vénus, de sa chimie, des interactions entre son atmosphère et sa surface. Et c'est en cela qu'en fait cette découverte de phosphine et la controverse qui va avec semble pousser quand même quelque part. On sent un intérêt, qui peut-être est basé sur une découverte qui va s'avérer fausse, mais qui a ravivé quand même un intérêt pour Vénus. On sait bien que l'histoire de l'exploration spatiale, elle est liée à ce type de considération, à la limite de la science, quelque part. Et on retrace dans le dossier l'histoire de l'exploration de Mars, qui quelque part a été dirigée aussi par les fantasmes qu'on pouvait avoir eu sur la planète rouge tout au départ et le lancement. Ah. Il y a eu des sondes qui ont été lancées parce qu'on avait vu une calotte glaciaire et qu'on se disait qu'il y avait forcément beaucoup d'eau sur Mars. Oui, puis il y avait les canaux, etc. Le fantasme de la vie sur Mars. Ce qui est rigolo, c'est de penser que l'humanité, en règle générale, a beaucoup plus longtemps pensé qu'il y avait de la vie sur Mars que compris qu'il n'y avait vraisemblablement pas ou plus grand chose de vivant à la surface de la planète, quoi. Je trouve ça toujours assez drôle de l'imaginer comme ça. Oui, c'est vraiment ça. Et Vénus, c'est vrai que il y a eu vraiment une concurrence entre les deux planètes, puisque du coup, on a 4 telluriques dans le système solaire, et Mercure a très vite été exclu, puisque il suffit de la regarder, ça ressemble à la Lune, c'est une surface constellée de cratères, et bon, elle ne semble pas très hospitalière, tandis que Mars et Vénus, dès le départ, ont déclenché, dès leur observation, tous les fantasmes, sachant qu'en plus, Vénus, du fait de sa très forte présence dans le ciel, c'est le troisième astre qu'on voit le mieux dans le ciel après le Soleil et la Lune, a toujours été très présente aussi dans la mythologie et dans l'observation. Voilà, donc, elle a toujours été présente pour l'homme, de toute façon, de manière très forte. Mais comme le dit l'une des idoles de Sébastien Carassou, et je ne parle pas de Karen Cheryl, mais bien de Carl Sagan, pour des découvertes extraordinaires, il faut apporter des preuves extraordinaires pour pouvoir soutenir une découverte de cette importance. Oui, c'est ce qu'il faudra. Et donc, du coup, effectivement, la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que des missions spatiales pourront répondre ou non à cette question de la présence de phosphine dans l'atmosphère de Vénus ? Et est-ce que, surtout, des missions spatiales vont être lancées ou non vers Vénus ? Et donc, on le saura bientôt. Il y a 5 missions qui ont été sélectionnées. Justement, dites-nous en quelques mots, justement, quelles sont, a priori, les missions de la plus vraisemblable ou de la plus proche jusqu'à la plus putative ? Eh bien, la première mission qui pourrait partir, ce serait une mission indienne, aussi étonnant que cela puisse paraître, puisqu'elle est pratiquement sélectionnée, même s'il y a des incertitudes encore sur la date précise de départ, mais ce sera en 2025, et ce serait une sonde qui se mettrait en orbite autour de Vénus et qui irait étudier son atmosphère, sa surface, et qui pourrait, d'après ses concepteurs, pourrait détecter, en tout cas affiner, cette détection de phosphine. Ensuite, ça va être un peu en balance parce qu'il y a 2 missions qui sont prévues ensuite et qui sont d'une part Veritas et d'autre part Envision et qui sont des missions assez proches dans le type de mission. Il s'agit de deux orbiteurs qui vont être qui vont procéder à une étude vraiment fine de l'atmosphère, procéder à des études de surface, une cartographie plus fine puisqu'on a une vision de Vénus, de la surface de Vénus. Il faut rappeler quand même que Vénus, vue de loin, c'est une boule blanche. On ne voit rien du tout. À cause de l'atmosphère. C'est une atmosphère gigantesque, extrêmement dense. Les sondes spatiales russes qui sont descendues dans l'atmosphère vénusienne, les Russes se sont aperçus qu'elles n'avaient pas besoin de parachute finalement parce qu'en fait on coule dans l'atmosphère de Vénus tellement cette atmosphère est dense, on ne tombe pas. Donc on ne voit rien de Vénus et c'est pour ça qu'il est important d'envoyer des sondes pour cartographier sa surface plus finement. On a des cartographies mais avec une définition encore très faible. Et donc, l'idée c'est de sondes, c'est de faire ça. Donc ces deux sondes ont été conçues, ces deux missions ont été conçues pour... quelque part, explorer tous les mystères vénusiens. Donc, que sont, y a-t-il encore du volcanisme, que sont, bah, son, la composition de son atmosphère, y a-t-il encore une, enfin, y a-t-il des mouvements de surface, etc. Et essayer de retrouver comme ça des indices aussi de son passé, puisque pourquoi est-ce qu'on fantasme aussi un peu sur la vie sur Vénus? C'est aussi parce qu'on sait, en tout cas, c'est une hypothèse forte. On pense que Vénus, par le passé, et peut-être aussi, peut-être pendant une grande partie de sa vie, a beaucoup ressemblé à la Terre, en fait. On pense que Vénus a pu être couverte d'eau avant que son effet de serre s'emballe et que du coup toute l'eau soit évacuée vers l'atmosphère, vers l'espace. Sans doute que Vénus a vécu une période habitable. Et peut-être la dernière étude de la NASA qui quantifiait cet emballement de l'effet de serre, le quantifiait il y a 700 millions d'années. Donc Vénus aurait très, très été peu habitable. De temps, voilà. Très très peu de temps. Vénus aurait été habitable pendant plus de 3 milliards d'années. Enfin largement le temps pour une vie de se développer. Tout ça est à lire dans le dossier de Science et Vie. Il y a encore plein d'autres choses parce que vraiment quand on commence à se pencher sur Vénus, on pourrait y passer l'heure entière. Peut-être un mot, Sébastien, pas tant sur Carl Sagan, mais peut-être aussi avant ces sondes et ces missions dédiées à Vénus, peut-être des informations supplémentaires grâce à une autre sonde qui passe dans le secteur, Bepi Colombo, qui va essayer justement d'en profiter pour jeter un petit coup rapide et utiliser ces instruments pour voir ou non s'il y a de la phosphine. Alors je crois que Bepi Colombo a déjà fait son survol en octobre, mais j'ai pas de nouvelles depuis. Par contre, je peux vous reparler de Carl Sagan. Non, parce que sinon on avait passé une heure. Allez-y, mais dites-moi. Parce que l'hypothèse d'une vie extante, donc d'une vie présente à la surface de Vénus, enfin pas à la surface, mais dans l'atmosphère de Vénus, a été émise par Carl Sagan dans les années 60, dans un court article spéculatif qu'il avait fait avec Harold Morowitz. Et l'idée, c'est que il existe une altitude dans l'atmosphère de Vénus où les conditions de température et de pression sont les plus similaires à la Terre qu'on connaisse dans le système solaire. Et donc ça avait lancé tout un appareil spéculatif à base de gros ballons d'hydrogène biologique qui flottaient comme des balles de ping-pong dans l'atmosphère de Vénus. Et en fait, quand on parle de phosphine, quand on parle de tous ces fantasmes qu'on projette à la surface de Vénus aujourd'hui, on cherche pas de la vie à la surface de Vénus. C'est 460 degrés, une température suffisante pour faire fondre du plomb. On cherche pas du tout de la vie à la surface parce qu'il n'y a plus d'eau à la surface. Par contre, dans l'atmosphère, dans les quelques dizaines de kilomètres d'altitude au-dessus de l'atmosphère de Vénus, il existe toujours une hypothèse crédible de vie présente. Et c'est aussi ça qui met tout cet appareil médiatique en battage aujourd'hui et qui crée beaucoup d'excitation chez les exobiologistes. My unicorn, and she's done, she's done, she's done. My Unicorn She's Gone, ça pourrait être le titre de mon autobiographie, mais pas du tout. C'est le titre que nous écoutons en ce moment du groupe Panties and Chocolate, comme toujours soutien à la scène musicale française indépendante pendant ce confinement, à l'initiative de notre réalisateur Olivier Bétard. On passe à notre deuxième dossier. On est très en retard aujourd'hui puisqu'il est déjà 16h40. Et c'est une autre annonce fracassante, alors qu'elle n'a évidemment pas fait tout à fait le même bruit que l'annonce des traces de phosphine dans l'atmosphère de Vénus, mais qui a fait quand même pas mal de bruit dans la communauté astrophysique. Le 12 novembre, l'université Northwestern de l'Illinois a indiqué que l'observation d'une kilonova, la plus brillante jamais vue, pourrait être un indice de la naissance d'un magnétar. Alors si pour vous cette phrase est une sorte d'énigme obscure ou de façon de faire du score élevé au Scrabble, on va essayer de repartir depuis le début. Sébastien Caressou, qu'est-ce que ça veut dire une kilonova très brillante qui serait le signe de naissance d'un magnétar? Ok, pas de panique, on va reprendre depuis le début. Alors l'histoire elle commence le 22 mai dernier, lorsque le télescope spatial SWIFT de la NASA a détecté une espèce de gros flash de rayon gamma dans une galaxie très lointaine. Alors on appelle ce genre de flash un sursaut gamma court, parce que le flash il a duré moins d'une seconde. Et les astronomes ils ont donné à ce joli sursaut gamma le joli nom de GRD 20-05-22A, juste en raison de la date de sa découverte. Mais le fait que, malgré le fait que ce sursaut gamma il ait eu lieu à une distance de plus de 5 milliards d'années-lumière de la Terre, eh bien, il était tellement puissant qu'il était détectable par les instruments du satellite SWIFT. Mmh. Et en moins d'une seconde, ce sursaut gamma il a émis autant d'énergie que le Soleil durant toute sa vie d'étoile, ce qui en fait l'un des événements les plus énergétiques du cosmos. Mmh. Alors ça, c'est déjà épique en soi, hein, mais c'est pas vraiment ça le plus intéressant, parce que des sursauts gamma courts, SWIFT, il en a déjà vu passer un bon paquet. Mais ce qui s'est passé après le sursaut gamma, c'est ça qui est beaucoup plus étrange. Et bien, au cours des derniers mois, il y a une équipe d'astronomes de l'université Northwestern dans l'Illinois qui a sondé la région du ciel qui était associée à ce sursaut gamma avec de nombreux télescopes et avec plein de longueurs d'onde qui vont des rayons X aux ondes radio en passant par l'infrarouge proche et la lumière visible. Et ils ont conclu que le sursaut gamma court, qui avait été détecté en mai par SWIFT, il pouvait être le cri de naissance d'un magnétar. Alors là, vous me demandez qu'est-ce que c'est un magnétar? C'est exactement ce que là, je vais vous demander. Ah ben c'est fantastique. Là, il s'agit d'une étoile à neutrons. Alors, c'est un cadavre d'étoile massive qui encapsule la masse d'un soleil dans la taille d'une ville comme Paris. Mmh. Alors, ce sont des objets ultra denses, hein, les magnétars. Hein, une cuillère à café de magnétar, ça pèse à peu près la masse d'une grosse montagne. Mais sa principale caractéristique, comme son nom l'indique, c'est son champ magnétique absolument démesuré. Hein. Les magnétars, ils ont des champs magnétiques qui sont au moins 1 000 milliards de fois plus intenses que le champ magnétique terrestre. Donc, ce sont les aimants les plus puissants de l'univers. Mmh. Et à l'heure actuelle, les scénarios de formation des magnétars, ils sont encore controversés. Il y a certains chercheurs qui pensent qu'ils peuvent être le résultat direct de l'explosion d'étoiles très très massives, tandis qu'il y en a d'autres qui pensent qu'ils pourraient être issus de la collision violente entre deux étoiles à neutrons. Mmh. Et la découverte du télescope SWIFT, eh bien, il y a plutôt dans le sens de la deuxième hypothèse. Alors pourquoi ? Et bien, lorsque les chercheurs de Northwestern ont analysé les séquelles du sursaut gamma du 22 mai dernier, ils ont assisté à une explosion d'énergie très très particulière dans toutes les longueurs d'onde qui a duré quelques jours. C'est une explosion qu'on appelle une kilonova. Et cette kilonova, c'est la signature caractéristique de la collision entre deux étoiles à neutrons. Lorsque vous avez ces deux astres-là qui fusionnent, bien, ça va générer une grosse quantité d'énergie et de matière qui va être éjectée à grande vitesse et qui va porter la matière à forte température. Et comme vous avez une supernova qui porte la matière à des températures tellement fortes, vous avez des réactions de fusion nucléaire qui s'y produisent. Et c'est notamment comme ça que se produit une grosse partie de l'or et du platine de l'univers, entre autres. Mmh. Et donc le fait que le flash du rayon gamma de mai soit associé à une kilonova, bah, ça laisse penser que ce qui a produit le flash, c'était une collision d'étoiles à neutrons. Alors à ce stade, on pourrait dire que l'affaire elle est pliée, sauf que pas du tout. Parce que cette kilonova, elle était quand même super bizarre. C'est-à-dire quand les astronomes ont observé cette kilonova en infrarouge avec le télescope spatial Hubble, eh ben ils ont été super surpris de constater qu'elle était 10 fois plus brillante que ce à quoi on pourrait s'attendre pour ce genre de phénomène. C'est quand même étrange pour... Alors, on ne connaît pas énormément de kilonova, évidemment. On en a observé notamment une très très bien en 2017, en août 2017. Mais et donc, pour expliquer cette débauche d'énergie relativement exotique, hein, et ben les chercheurs ont invoqué la naissance d'un magnétar. Ce qui serait un événement quand même super rare dans l'univers, parce que d'ordinaire, quand vous avez deux étoiles à neutrons qui collisionnent entre elles, et ben ça a tendance à produire un trou noir. Et ben là, ça produirait une étoile à neutrons plus massive avec un champ magnétique énorme. Alors la naissance de ce magnétar, elle pourrait notamment expliquer pourquoi cette kilonova elle serait aussi brillante, hein, notamment parce que l'intense champ magnétique créé par le magnétar pourrait transférer de l'énergie à la matière éjectée dans l'explosion. Mmh. C'est cette énergie qui ferait briller la kilonova à ce point. Et donc si on vient effectivement d'assister il y a quelques mois à la naissance d'un magnétar à la suite de la fusion de deux étoiles à neutrons, eh ben ce serait une première dans l'histoire de l'astronomie et ce serait évidemment un grand pas vers la compréhension de ces astres. Mmh. Mais bon, en attendant, on peut pas en être vraiment sûr, hein. Il y a des scénarios quand même alternatifs pour expliquer l'énergie émise par cette kilonova. Alors quels sont-ils ces scénarios? Eh bien, on peut imaginer par exemple que les débris éjectés lors de la kilonova ont formé des espèces d'ondes de choc et un jet de matière en forme de cône particulièrement large par rapport aux explosions actuelles qui sont relativement collimatées. Et dans ce scénario, ben, on n'aurait pas besoin forcément d'invoquer un magnétar. Donc là, l'étape suivante à ce stade, c'est d'observer continuellement les ondes radio qui sont associées à ce phénomène au cours de la prochaine décennie, mmh. pour voir si les ondes radio observées sont compatibles avec nos modèles théoriques de magnétar. Et si cette hypothèse se trouve être validée à l'avenir, on pourra dire avec confiance que les collisions les plus énergétiques de l'univers peuvent produire les aimants les plus puissants de l'univers, ce qui est quand même assez badass. Et assez badass, ça veut dire assez costaud si on essaie de traduire en langage de non-jeunes. Qu'est-ce que je veux dire? On a une idée en termes théoriques des limites qui seraient celles qui feraient que deux étoiles à neutrons s'effondrent en trou noir ou forment un magnétar? C'est juste une sorte de limite de taille comme une limite de Chandrasekhar, ou est-ce qu'il y a d'autres bagages théoriques qui peuvent expliquer le passage de l'un ou de l'autre? Alors c'est essentiellement une limite de masse, hein, une limite de compacité essentiellement. Si vous mettez suffisamment de masse dans un endroit donné, au bout d'un certain point, cette masse va se transformer en trou noir, donc en région de l'espace-temps où même la lumière ne peut pas s'échapper. Et donc si vous avez deux étoiles à neutrons qui sont relativement peu massives, donc alors chacune est à 1,4 fois la masse du Soleil quand même, donc relativement massif, mais dans un volume d'une douzaine de kilomètres, donc vraiment la taille de Paris intramuros. Mmh. Donc si vous avez des étoiles à neutrons suffisamment peu massives, eh ben, vous pouvez avoir une étoile à neutrons un peu plus lourde, mais à la limite supérieure de ce que peut avoir comme masse une étoile à neutrons. Mmh. Sachant que dans la plupart des cas, quand vous avez une collision d'étoiles à neutrons, elles vont se transformer pendant quelques millisecondes en étoiles à neutrons plus lourdes, et puis elles vont finir par s'effondrer pour donner un trou noir à la fin. Donc ça, c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle. On ne sait pas beaucoup plus sur ces objets à l'heure actuelle. Par contre, ce sont ce genre de collisions qui nous renseignent sur notamment les ondes gravitationnelles, hein, depuis 2015 à 2017, avec notamment les interféromètres LIGO et Virgo. On a des outils qui nous permettent de mieux comprendre ces collisions d'étoiles à neutrons qui se passent littéralement à l'autre bout de l'univers, hein, et qui mettent des milliards d'années à nous parvenir. Mais on entre dans une nouvelle ère de l'astronomie grâce à l'étude de ces objets avec nos interféromètres et avec nos télescopes. C'est l'ère de l'astronomie dite multimessager, donc d'utiliser plusieurs types de sources d'informations pour mieux comprendre ces objets. Et les décennies à venir vont nous apporter énormément d'informations sur ces objets. Enfin, en tout cas, on l'espère. Et dites-moi, ça tombe bien, parce que l'astronomie multimessager, c'est notre émission de mardi. Ah ben c'est absolument pas révisé, c'est promis. La vie est bien faite. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et on va passer au dernier sujet de au dernier dossier de cette table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche. Et allez, on va dire que c'est la dernière partie de l'émission, le week-end approche, on est entre nous, vous pouvez l'avouer, vous avez craqué, et vous avez, pendant ce confinement, pendant le précédent, allez, dites-le-moi, ne baissez pas les yeux, personne ne vous regarde, personne ne vous juge, vous allez commander sur Amazon. Bon, maintenant, je vous juge un peu tout de même, mais si vous jurez que vous ne le referez plus, Olivier Lascar va tout vous expliquer sur la façon dont vous auriez pu, si vous l'aviez refait, ce que vous ne referez pas, éventuellement être livré par un drone ou par un robot, Olivier. J'ai eu très peur, je suis au courant du sujet dont je vais vraiment parler. Bon, alors effectivement, c'est une histoire de drone. C'est un papier qui est à lire dans le dernier Sciences et Avenir, celui qui est sorti jeudi, un article de mon éminent collègue Arnaud de Villard, qui s'appelle « Drone et robots livreurs qui réorganisent la ville ». Parce que c'est une histoire dont on parle effectivement depuis plusieurs années, mais ça commence à se concrétiser. Et Amazon, dont on parle évidemment, est effectivement énormément Aujourd'hui, on rappelle que Jeff Bezos est la première fortune mondiale. Je crois que ça se chiffre à 115 milliards de dollars, sa fortune. Ils viennent d'avoir l'agrément par la Federal Aviation Administration, la FAA. Ils viennent d'avoir l'agrément de vol pour leur drone de livraison. Alors, ça s'appelle le certificat de transporteur aérien Part 135. C'est vraiment très technique. Mais grâce à ce diplôme, ils sont en droit de... alors, non pas déjà faire les livraisons, mais ils font des tests très, très, assez aboutis. Et alors, justement. C'est visible en vidéo. Ouais, on va vous trouver les liens, on va vous montrer ça. Alors, pour le moment, j'imagine que c'est expérimental. Est-ce que ça veut dire vraiment qu'on va. C'est ce qui est intéressant, en fait, là-dedans, parce qu'il y a Amazon, mais il y a d'autres sociétés, c'est ce que vous allez nous raconter, Olivier. C'est une problématique très, très, très importante en transport, et en transport de marchandises, en transport de colis. C'est ce qu'on appelle la problématique du dernier kilomètre. Racontez-nous pourquoi ça peut tout changer, en fait. Que ce soit des drones, d'ailleurs, ou que ce soit des robots automatisés, c'est-à-dire plus des personnes avec un vélo et une casquette de facteurs, quoi. Voilà, c'est ce qu'on voit dans ce papier, c'est que suivant les lieux, suivant l'environnement, si on habite à la campagne, ça va plutôt être des drones, si on habite en ville, ça va plutôt être des petits robots à roulette, ça peut évoquer un peu Curiosity ou R2D2, suivant vos références, suivant vos sources. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais ça illustre effectivement la problématique du dernier kilomètre. Le dernier kilomètre, c'est comment on fait pour acheminer le bien vers la personne qui l'a commandé. Effectivement, quand on est en ville, on sait bien que les centres-villes sont en train de se métamorphoser, que la voiture y est de plus en plus prohibée, qu'il faut slalomer entre les trottinettes hostiles et les vélos à cariatres rapides à cariatres. Pardon. Non. Donc pour les livreurs, ça devient compliqué d'avoir son estafette. Donc on voit arriver des petits robots qui sont très non pas maniables parce qu'ils ne sont plus commandés par un opérateur, mais ils sont quand même ils sont l'adjuvant d'un opérateur. Ce qu'on voit dans ce papier, ce sont des petits modèles d'ailleurs qui peuvent être fabriqués en France. C'est une découverte qu'on fait à la lecture de cet article, c'est qu'on a des sociétés, des start-up à Cahors, à Clermont-Ferrand. Il y en a une qui s'appelle Soben, qui fait des petits robots comme ça, qui ont des systèmes. Alors évidemment, c'est des containers sur roulettes. On peut mettre à l'intérieur les produits qui sont destinés à la livraison, mais surtout ils sont équipés de tout le dispositif qu'on connaît avec la problématique de la voiture autonome, les lidars, les radars, qui permettent de voir tout autour de soi, mais surtout qui vont cibler l'opérateur qui se trouve devant le robot, devant la machine. C'est comme le maître et son chien qui sont reliés par une laisse. C'est une laisse que vous cherchiez. Bon, très bien. C'est une laisse, oui. Je pensais par une sorte de lien empathique. C'est pour ça que je ne la trouvais pas, la laisse est invisible, mais le robot a la signature visuelle de son opérateur, et donc quels que soient les mouvements, si l'opérateur va à droite, il le suit, s'il va à gauche, il le suit, s'il s'arrête brusquement parce qu'il y a quelqu'un qui passe devant lui, la trottinette dont on parle tout à l'heure, le conteneur s'arrête aussi, et évidemment, ça permet à cet opérateur d'aller jusqu'au pied de l'immeuble sans avoir à transporter lui-même tout le barda sur son dos. Et ça règle le problème de ce fameux dernier kilomètre, puisque l'opérateur, il est quand même nécessaire, puisque arrivé au pied de l'immeuble, il faudra prendre l'objet. Oui, le remettre. Qu'elle descende, etc. Mais alors, du coup, ce que je comprends bien pour le moment, Olivier, c'est que on avance dans l'automatisation, mais pour le moment, jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que pour le moment, c'est encore accompagné. Il y a encore des pilotes plus ou moins à distance, c'est-à-dire qu'on fait un pas de plus dans l'automatisation, mais on n'en est pas encore au moment où le drone de Amazon va venir à la fenêtre de mon appartement pour me déposer mon petit colis et repartir. On n'en est pas encore à cette étape-là. On n'en est pas du tout là, et il faut se méfier aussi de tout le marketing qui déferle autour de ces questions. Amazon est très fort là-dessus. Ils ont des petites vidéos diaboliques avec des petites musiques au piano où tout se passe super bien et le petit colis est arrivé. Le colis qui sera livré par le drone qui va se poser sur votre fenêtre, ça n'arrivera jamais. On peut parier que ça n'arrivera jamais parce que pour décoller, pour se poser, le drone, eh bien, il a besoin d'une surface d'atterrissage assez importante. C'est pas millimétrique comme opération. Donc c'est une vraie petite piste d'atterrissage. Ça peut être sur le toit d'un immeuble, ça peut être sur le toit d'un hôpital où il va aller livrer des médicaments. Ça peut être sur le toit de l'entrepôt d'un supermarché, ça c'est possible. Mais la fenêtre, la terrasse, le jardin, on peut parier que ça n'arrivera pas. Il y a des dispositifs qui sont assez ingénieux où on voit que le drone reste en l'air et il délivre le colis qui est au bout d'une petite corde qui descend jusqu'à se poser doucement sur la pelouse. Bon, c'est quand même très très mis en scène. Ouais. Il y a aussi une problématique sociétale sur la question du travail, parce que le fait que le petit robot soit l'accompagnateur d'un opérateur humain, ça montre aussi que pour l'instant la question de la machine qui prend l'emploi de l'opérateur, elle se pose pas encore, parce que l'opérateur il est encore nécessaire. Il y a des personnes dans ce milieu-là qui disent que le robot n'est pas là pour prendre la place d'eux, mais pour travailler avec. Mais vous savez quoi, Olivier, ce qui est incroyable, c'est que mercredi, notre émission parlera de la robotisation du travail. Mais c'est incroyable. Oh là là, mais on croirait que ces choses. On croirait que ces émissions sont préparées, dites donc. Non, mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que malgré tout, évidemment, qu'on peut penser que les drones individuels ou de la robotisation, donc la destruction de l'emploi, sont évidemment des vrais fléaux qui peuvent être des fléaux sociaux contre lesquels il faut lutter. Mais cette problématique du dernier kilomètre en ville notamment, elle est vraiment intéressante parce que plus il y a de ventes par correspondance et notamment en ces périodes de confinement, plus il peut y avoir des encombrements, les places de livraison encore une fois sont chères, ce sont souvent des camions, donc ce sont des camions qui sont polluants et qu'il y a quand même toute une façon de repenser ces quelques derniers mètres qu'il faut faire pour arriver et pour récupérer votre colis, que soit que d'ailleurs le récipiendaire se déplace lui-même dans des points de livraison ou en utilisant ce genre de machine. Alors, à cet égard, on peut citer une initiative. En quelques mots, parce qu'on arrive à la fin. Oui, alors c'est le projet LEAD, L-E-A-D, qui vise à construire des jumeaux numériques de 6 grandes villes européennes pour pouvoir tester des scénarios de livraison et définir sur ces cartes virtuelles les endroits où on pourrait poser des hubs, c'est-à-dire non pas les grands entrepôts dans lesquels il y a toutes les marchandises, mais des entrepôts plus petits qui permettraient de disséminer plus finement à l'échelle de la ville ou du quartier les biens qui sont commandés. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois. Olivier Lascar à la une de Science et Avenir. L'intelligence artificielle versus le cerveau humain, ou plutôt à l'aide du cerveau humain, au service de l'intelligence humaine. C'est du magazine. Ce qui donnera lieu d'ailleurs à une émission également en partenariat toujours avec Science et Avenir. Mathilde Fontaise à la une de Science et Vie. Pour quelques jours encore, notre gros dossier sur le vaccin contre le Covid-19 et la semaine prochaine, du coup, cette grande enquête sur Vénus. Sébastien Carassou, prochaine vidéo, le Sense of Wonder. Eh bien, on vient de sortir un épisode en collaboration avec le CEA sur leur série Science Loop. Ça s'appelle Les bases de l'observation du soleil et c'est sur YouTube, sur la chaîne du CEA Recherche. Et on vous le met sur notre fil Twitter également. Un mot pour vous dire, puisqu'on en a parlé, de traces de vie sur Mars ou sur Vénus, de trous noirs. Ce sont autant de questions auxquelles nous tâchons de répondre dans ce livre que j'ai pu signer avec Mathieu Lefrançois aux éditions Le PA, L'Espace, que vous pouvez vous procurer en le commandant non pas par drone à Amazon, mais dans votre librairie de quartier et en allant le chercher avec vos petites jambes en click and collect. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Aujourd'hui, c'est Alex Dang à la technique. Un mot rapide pour vous parler du programme de la semaine. Vous savez déjà quasiment tout. Lundi, on parlera du rhume saisonnier. Mardi, donc, de l'astronomie multimessager. Mercredi, de la robotisation de l'économie. Jeudi, nous aurons la chance de recevoir Lionel Nakache pour parler de cinéma intérieur et de conscience. Et vendredi, SF, vous vous convertirez peut-être au Bene Gesserit où vous adorerez la nef. On parlera de religion dans la science-fiction. Demain, c'est la conversation scientifique du camarade Étienne Klein qui parlera de la carrière des frères Tanouji. Nous on se retrouve lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire.